Pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr, comme chaque semaine sur l'antenne du 94 MHz lundi pour le direct, également en rediffusion le dimanche à partir de 23h et des poussières, ou à partir du blog de l'émission asile35.blogspot.fr, également écoutable à partir du mixcloud.com/redman. Alors cette semaine, attaque de pollen dans le fond de ma gorge, donc ne vous étonnez pas si j'ai une voix de canard boiteux. On va essayer quand même d'assurer une heure et demie d'émission. À vrai dire, ça avait déjà commencé la semaine dernière. Voilà pour la petite santé de votre serviteur. Et on attaque avec un projet italien. La semaine dernière, on avait fait une spéciale Italie pendant 90 minutes et quelques à cause d'une actualité assez débordante du côté de la botte. Et un disque qu'on vous avait déjà proposé il y a de ça une quinzaine, lorsqu'on avait reçu le camarade de Heroskin, l'excellent album de Macno, The Third Season, publié par le label Wallace Records. Wallace Records, et il y a également le label Brigadisco et sept autres qui s'y sont collés pour éditer cette très belle galette vinylique. Macno, qui est donc un projet solo mi-noise, indus, mi-post-punk du multi-instrumentiste Paolo Cantu, qui fut pilier de pas mal de formations depuis le début des années 90, notamment la formation A Short Apny. Et on va écouter donc un extrait, ou même deux extraits à suivre de cette formation. C'est le deuxième album en date pour cet Italien qui fait à peu près tout. Alors il est guitariste, batteur, chanteur. Un album très très très bien construit, de la noise intelligente de bout en bout, peut-être inspiré par le personnage de Nestor Makhno, qui était un communiste libertaire ukrainien de la première moitié du XXe siècle. On écoute le titre de cet album, The Third Season de Makhno, The Book of the Year, qui démarre excellemment. On a démarré le programme de nouveautés et d'actu de cette semaine par le projet du multi-instrumentiste Paolo Cantu et son Makhno, M-A-K-H-N-O, et son excellent deuxième album The Third Season, deux titres à suivre, mais l'album est vraiment d'un seul tonneau, il s'écoute de bout en bout, extrêmement bien construit, avec des structures noise très très inventives pour ce vétéran qui a commencé au début des années 90 et qui a d'ailleurs également participé au Damo Suzuki Network. Il avait déjà sorti un premier disque sous cet alias, Makhno, à la fin de l'année 2012, également chez Wallace Records, et on avait enchaîné Makhno avec pas une nouveauté cette fois-ci, mais un disque qu'on vous avait pas mal passé au début de l'année 2013, du groupe Messin Le Singe Blanc, trio de basse, voix, batterie. Il s'agissait de l'album Aouta qui était sorti à l'époque, je crois que c'était aussi une demi-douzaine de labels qui avaient édité ce disque du Singe Blanc, notamment Et Mon Cul, C'est du Tofu et Who's Brain, et aussi la participation d'un label de Tarente dans le sud de l'Italie, Musica per Organi Caldi. Et je vous passais le Singe Blanc à l'occasion de concerts à venir, puisqu'ils joueront sur Rennes très bientôt, grâce aux bons soins des gens de Tapette Fest, notamment au Terminus, au 78 rue de Riaval, lundi 21 avril. Donc je crois que ça nous amène à lundi de la semaine prochaine. Un mélange entre Dalida et un membre des Singes Blancs. Ça s'appelle Daikiri. C'est de l'alternative samba pour chien de traîneau, comme c'est mis sur la communication pour ce concert. Et il y aura aussi des Siciliens pour cette soirée du 21 avril. Également, ils reviendront le dimanche 10 mai en formation Singe Blanc cette fois-ci. Et il y aura également du death metal chilien et du heavy crust de Rennes. Ce sera 19h pétante, c'est à 20h, annoncé à 20h la semaine prochaine, le 21 avril. Ces deux concerts donc au Terminus. D'autres concerts à venir, chez Canorac, également le boss de Café Records, ainsi que des Polonais qui joueront également au Terminus. Et je voulais aussi vous annoncer d'autres soirées concerts tant qu'à faire cette semaine à Rennes, puisqu'il y a une actualité assez chargée avec un concert qui aura lieu demain, mardi 14 avril, organisé par l'association Cafioul, qui fait venir des légendes vivantes, à savoir des anciens membres de Hutt, de God et de Furious Pig, donc un peu toute la no wave de la fin des années 70 et début des années 80, qui seront réunis au sein du projet Dial, et également un projet solo par un Britannique ex-membre de Bastard de Kestrel, qui se produit sous l'acronyme MN2T. AB, un Britannique qui est parti en Australie avec son ordinateur, son bordel noise ambiant et son accent de Cockney. Et il y aura aussi les DJ cafiouleux habituels pour ce concert de demain mardi 14 qui aura lieu au bar de la Place des Lys, le bien nommé Le Barrick. Tout ça pour 6€ et c'est organisé dans le cadre du festival Sonic Protest à Rennes. Également cette semaine, le festival Roulement de Tambour avec pas mal de choses, notamment Eric Chenot et Forever Pavot. Ce sera ce samedi. Un ciné-concert de électrique avec Pierre Lamblin. Ce sera au Tambour ce mercredi, donc mercredi de cette semaine, le 15 avril. Non, le 16, pardon, avril, il y aura une conférence à ne pas manquer ce mercredi 15 autour de la musique de Moondog, une conférence gratuite au 4 bis à 17h30, Moondog à travers le 20e siècle, par le grand spécialiste nantais Amaury Cornu, auteur d'une monographie sur le compositeur viking qui est paru aux éditions Le Mot et Reste il y a de ça quelques mois. mois. Et un autre événement cette semaine, le film autour de Genesis Breyer, P. Orridge, et de sa regrettée compagne Lady J, dans le cadre de Bouillant. Ce sera ce mardi 14 avril à la Maison des Associations, un film de Marie Lozier. C'est en entrée libre à partir de 20h30 et ce sera en présence de la réalisatrice. Voilà, on va continuer avec de la musique après avoir fait cette très très longue tirade. Et on continue avec la musique de Colin à l'occasion de la sortie du nouvel album de l'ex-parisienne Cécile Schott. L'album est sorti sur le label Street Jockey sous le titre Captain of Known, un mélange de viol de gambe, de réverbération et de delay dans un registre post-dub musique nouvelle avec la voix de Colin. Alors, il y a pas mal de papiers autour de son goût des musiques dub, notamment celle de King Tubby et Lee Scratch Perry, mais je trouve que c'est plutôt dans un registre assez proche de ce qu'elle avait pu produire dès son premier album Everyone Alive Wants Answer, qu'on avait découvert donc à l'époque de sa sortie en 2003. Là, il s'agit de son sixième disque en date et je vous propose le titre I Am Keen par Colin. To the cold. part. C'est ici. Moi, je trouve que Vince, il est bien pâté vers des femmes. Il a pâté vers la Concorde. Il suit plutôt dans le chemin de Humphrey Bogart. Voyeurs à leur vallée majeure, statique, changeante et frémissante, brumeuse, glabre ou foisonnante, la coupe, la taille, leur futaie. Et cette maison rose, promesse d'un ciel en ses divins conduits, danseuse épuisante, danseuse sourire de côté, danseuse, danseuse, Lakshmi triangulaire de tant d'enjoliveurs. Cyprinique basilique de songe aux vêpres liquides, de sucées vespérales. Le fond contemplatif, fervent, le fond abonné aux fissures, aux fentes palpitantes, à tous les plis. Théâtre de mes sudations. Prisonnier de 100 000 moiteurs, esclaves de mes bourses, les humeurs séduisent. Les humeurs séduisent. Les humeurs. Les humeurs. Thank you. À l'instant dans l'Asie le plus sûr, un programme de doudingue hexagonaux qui a démarré avec les pièces de viol de gambe, on pourrait dire du Marin Marais, enregistré avec les techniques de Lee Scratch Perry de Miss Colin, enregistré entièrement toute seule dans son studio de San Sebastian en Espagne face à la mer. L'album s'intitule Captain of Known, sorti par le label Thrill Jockey. Une production peut-être à contre-emploi ou un peu inhabituelle pour Thrill Jockey, qui sort pas vraiment des disques dans ce registre. En tout cas, un disque vraiment très très abouti et très bien produit aussi par Cécile Schott alias Colin, sixième album en date pour la multi-instrumentiste, qui va d'ailleurs se produire aux États-Unis un peu avant l'été à San Francisco, Seattle, Portland, Chicago et New York City, excusez du peu. Voilà, et c'était enchaîné avec le trio entre le trompettiste et chanteur un peu frappadingue, un peu fralé, Jacques Bérocal, qui sévit depuis au moins le milieu des années 70, pour notre plus grand bonheur, dans les musiques tant improvisées que parallèles. Et là, il était aux côtés de ses camarades David Fenech à la guitare et autres objets sonores et samples, et Vincent Epley, qui lui est auteur de pas mal de très bons disques dans le registre néo-librairie électronique décalée, notamment sur les disques Rotin réunis ou encore le label PPT Stembogen. David Fenech et Jacques Bérocal, qui jouent ensemble depuis un bon paquet d'années. On avait pu les entendre au sein du trio désormais défunt aux côtés de Guedalia Tazartes. Ils avaient sorti l'excellent disque Super Disque justement chez Sub Rosa en 2011, et depuis ils se sont accoquinés avec Vincent Epley, et ils font paraître fin avril l'album Anti-Gravity sur le label londonien Blackest Ever Black, le label de monsieur Kiran Sande, éditeur de Fact Mag et aussi producteur de disques plutôt dans un registre techno post-industriel. Il a notamment beaucoup produit la musique de Jaime Pruriente, Vatican Shadow, Tropic of Concert, Régis, etc. etc. Depuis une demi-douzaine d'années, on suit un peu la musique de ce label. On s'attendait pas trop à voir une production de musique de traverse de ces trois lascars sur cette entité londonienne, mais c'est plutôt une très très bonne nouvelle. L'album s'appelle donc Anti-Gravity et il sortira à la fin du mois d'avril sur le label Blackest Ever Black. On va continuer avec un disque qui lui va sortir à peu près à la même époque, je crois que c'est même début mai, sur le label belge Sub Rosa. Il s'agit du retour de Oiseau Tempête, l'excellent projet dont s'occupe monsieur Frédéric D. Oberland et Stéphane Pignol, tous deux membres du Réveil des Tropiques, et qui sont rejoints par Ben McConnell et puis pas mal de gens. C'est aussi un projet plutôt à géométrie variable. Ils avaient fait paraître un premier disque éponyme qui s'était sorti chez Sub Rosa en 2013. S'en était suivi l'album Reworks de 2014, qui était tout aussi intéressant. Ces titres revisités par pas mal de gens, notamment Monsieur Scanner. Et là, pour ce disque, ils sont rejoints par le clarinettiste basse Gareth Davis, ainsi que la voix de l'incroyable J.W. Suck, ex-membre de ZX, également au sein de Cannibal et Vainé. Je propose d'écouter un titre en preview de cet excellent disque d'Oiseau Tempête, qui sortira dans quelques semaines sous le titre Utopia, poème de Nazim Hikmet Ran, poème turc de la première moitié du XXe, qui était membre du PC turc et qui s'est exilé en Pologne. Je crois même qu'il est mort à Moscou. Et tout ça dit excellemment, comme toujours, par Josh, alias JW Sock, en compagnie des Oiseaux Tempêtes. de la musique pour triper sur l'antenne du 94 MHz dans l'asile le plus sûr, avec tout d'abord le dernier opus de Oiseau Tempête qui va sortir fin avril, début mai. Il s'intitule Utopia et Frédéric D. Oberland, son mentor, a eu la bonne idée de convoquer le chanteur GW Suck pour rejoindre ce projet plutôt très brillant, donc dans un registre un peu post-rock, on pourrait dire. Ça sort en double LP chez Sub Rosa ou en CD simple, comme vous préférez. Et c'était enchaîné avec un disque sorti fin mars sur le label d'Asheville en Caroline du Nord, Pacific, dont on vous avait déjà proposé plusieurs choses, notamment fin 2014, les excellents albums de Kaetua et de Terrors, label surtout connu pour avoir produit la chanteuse Angel Olsen, donc Pacific Records, qui récidive avec un disque de Villages sous le titre Procession Axe. Villages qui est l'alias de l'Amérique Ross Gentry, qui est un monsieur totalement obsédé par le drone et l'ambiance, et qui fait des disques qui sont un peu des voyages musicaux à écouter bon, les yeux fermés. Un gros travail de traitement entre analogique, des bandes analogiques qui a réenregistré, et puis après numérisé, et puis un instrumentarium assez chamarré, beaucoup de textures sur ce projet Villages. Et Ross Gentry est très actif depuis à peu près 2008. Il a sorti un certain nombre de cassettes, notamment déjà chez Pacific sous cet alias, et il a aussi en parallèle une double cassette split sur le label d'ambiance Drone Barrow Records. Et ce disque, donc sorti en vinyle sous le titre Procession Axe, qui me fait beaucoup penser d'ailleurs à la musique de Natural Snow Buildings, dans les textures un peu dronesques et assez oniriques. On va enchaîner avec un projet cette fois-ci norvégiano-batave, où on retrouve le tubiste amplifié Christopher Lowe, entendu notamment au sein du projet Microtube aux côtés de Martin Taxt. Il est aux côtés du batteur suédois qui est lui basé en Norvège, Thomas Jarmir, et du guitariste donc hollandais Dirk Series. Le projet s'appelle Yodok Number 3 et l'album The Sky Flashes, The Great Sea Yearns. C'est le deuxième disque en date pour Yodok 3, qui avait déjà sorti un album éponyme l'an dernier, et c'est sorti chez Tone Float New Wave of Jazz, qui est, je crois, le propre label du guitariste Dirk Series, dont on vous reparle après cet extrait. Alors, ce sont des pièces extrêmement longues, un double vinyle, donc 4 fois 20 minutes, et je vous propose de démarrer à peu près à la moitié de la première pièce, qui s'intitule Watching the Stone of Celestial Flow Rush Down, par le groupe Yodok 3. nouvelle séquence de triperie pour triper et à base de tripatouillage dans les îles le plus sûr, avec à l'instant la rencontre entre messieurs Tim Kathleen et le projet de Rutger Zuiderveld alias Machine Fabric, qui continue d'ailleurs derrière moi. Disque, troisième collaboration en date pour ces deux-là. Donc Rutger Zuiderveld qui officie depuis déjà un bon petit paquet d'années avec ce projet dronesque et expérimental qui se répond au nom de Machine Fabric. Il a sorti quantité de choses également, à peu près une demi-douzaine de disques par an, également sous son propre alias Rutger Zuiderveld. D'ailleurs il y a un disque qui est sorti qui s'appelle Snowstorm, où il sample, il retraite plus exactement le saxophone de Colin Webster et de Otto Koch du groupe Les Dead Neanderthals. Mais là, il était donc en compagnie de Tim Kathleen avec cet excellent disque, donc leur troisième collaboration qui est sortie sous le titre Worlds. Comme les précédentes d'ailleurs, sur l'excellent label de Nottingham en Angleterre, Low Point. Et juste pour vous présenter Tim Kathleen, il s'agit d'un guitariste et designer sonore de Melbourne, fasciné par les résonateurs et l'électromagnétisme. Et donc tous les deux, ils font un travail d'entomologiste du son, on pourra dire, un travail très très minutieux, une approche assez fantastique du son, entre sitar customisé, cordes de piano ou de guitare, travail de field recordings et de séquençage absolument dément. On a pu s'en rendre compte avec le titre qui passe derrière ma voix, qui a une inspiration presque japonaise, voilà, pour Tim Kathleen et Machine Fabric. Juste avant, il s'agissait d'un projet que je découvre, qui répond au nom de Yodok 3, avec le disque The Sky Flashes, The Great Sea Yearns, qui est une sorte de post-jazz un peu apocalyptique, et des pièces un peu fleuves, avec un souffle assez incroyable par Christopher Lowe, qui est tubiste amplifié, le batteur Thomas Jarmir et surtout le guitariste hollandais Dirk Seris, très très actif. Il a sorti, lui, je pense, au bas mot 60-80 albums sous quantité de formats différents et pas mal de projets. On le connaît surtout comme membre, comme promoteur du projet Fearful Burning, avec lequel il a beaucoup sorti de choses, notamment à partir des années 2000 sur les labels Soleil Moon ou encore Conspiracy Records. Et il a aussi un autre projet avec lequel il a beaucoup officié, c'est le projet Vitna Obmana. Et donc ces dernières années, il fait encore pas mal de nouvelles choses, comme ce projet Yodok 3. Et je voulais vous passer une curiosité. Il s'agit de sa rencontre avec le saxophoniste de Cactus Truck, l'américain qui vit aux Pays-Bas, John Dickeman et Dirk Seris. L'album s'appelle Cult Exposure et c'est sorti comme celui de Yodok 3 par le propre label de monsieur Seris en vinyle, le label Tone Float New Wave of Jazz. On écoute The Monolith Song, ce qui est toujours une grande joie de retrouver le saxophone de John Dickeman dans un registre post-Ayler ou encore dans les pas de Peter Protzmann. On écoute ce Monolith Song, extrait de ce Cult Exposure. Thank you. L'asile le plus sûr, l'émission qui vous propose la New Wave of Jazz que vous n'entendrez nulle part ailleurs. On a entendu à l'instant le guitariste batave Dirk Series en compagnie de monsieur John Dickeman dans ses œuvres avec son tuyau percé de trous. John Dickeman, membre de l'excellent trio Cactus Truck aux côtés de Jasper Statutters et Ono Govert, qui ont sorti un disque à la rentrée dernière. C'était sorti sur le label polonais Not To Records sous le titre Caesar's Palace. Quant à ce duo, cette rencontre au sommet, ça s'intitule Cult Exposure. C'est sorti au mois de mars en vinyle sur le propre label de Monsieur Series, Tone Floats New Wave of Jazz. Il y a plusieurs pièces de cette trempe par ces deux improvisateurs hollandais. Voilà, on va se quitter avec une dernière pièce. Le temps pour moi de rapprocher mon petit papier où j'ai noté les annonces concerts que je vais vous redonner à l'instant pour cette semaine à Rennes. Alors les concerts du Bourg, pour repréciser ce que je vous ai dit en début d'émission, ce sera bien lundi prochain 20 avril au Terminus, le concert de Cheikh Anorak, le boss du Gaffer Records, en compagnie des Polonais de The Curse, à 20h pétante, donc au 78 rue de Riaval. S'en suivra le mardi un concert de Daikiri, un Dalida et un Singe Blanc, qui rencontrent d'ailleurs des Siciliens au cours de cette soirée qui aura lieu également au Terminus. Et cette semaine aussi, c'est donc mardi 14 avril, le concert de l'assaut Cafioul au bar Le Barrick, Place des Lys, avec Dayol et MN2T AB et les DJ Cafiouleux, tout ça pour 6€. Également le festival Roulement de Tambour avec par exemple la conférence gratuite de Moondog ce mercredi au 4 bis à 17h30. Ce sera le 22 avril très exactement. Pour tout connaître de Moondog, par le spécialiste nantais Amaury Cornu. Également Genesis Breyer Pay Orridge, le film autour de monsieur Orridge et de sa compagne Lady Jane, ce mardi 14 également à la Maison des Associations. Et pour conclure également toujours les Cafioul, ce sera là pour le coup jeudi de la semaine prochaine, le 23 avril, au 1988 Live Club, les Fatsupper et Last Arbor et Hors Monde. Plus d'informations évidemment sur le site cafioul.org. Je propose de conclure avec une toute dernière pièce également de jazz free, mais cette fois-ci hexagonale, avec un groupe de Caen. Une fois n'est pas coutume, il s'agit d'une production de l'excellent label du Calvados, petit label, le bien nommé, qui a déjà produit une bonne cinquantaine de choses, tout en autant CDR qu'en CD à l'ancienne, et donc principalement du jazz, mais aussi des musiques de traverse et plutôt atypiques, et principalement des gens un peu du cru, des terroirs, à l'image de cette formation Écarlate Bleue, menée par les deux saxophonistes Patrick Martin et Yann Le Thor, en compagnie de la section rythmique Nicolas Talbot à la contrebasse et Yann Fonbonne à la batterie. Alors ça fait beaucoup penser à certains groupes un peu de l'après, du post Ornette Coleman. Je pense notamment à certains projets qu'a pu faire monsieur Charles Tyler ou encore Frank Wright, donc des groupes qui mélangeaient deux sax et une section rythmique dans une ambiance post-free ou poly-free, comme disait Steve Lacy, assez décousu. L'album est vraiment brillantissime. Écarlate Bleue, ça s'appelle, ça vient de sortir sur le petit label donc de Caen, et je ne peux que vous conseiller d'y jeter une oreille et même plusieurs, et de vous procurer cette très belle galette. Voilà, l'émission touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute du 94 MHz. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette playlist et télécharger les podcasts depuis à peu près un an et demi sur le site asile35.blogspot.fr, également l'écoute en ligne à partir du mixcloud.com/redman. On se termine avec cette écarlate bleue. À très bientôt. Thank you. Yeah.